Dis-moi tout, troisième niveau. Documents oraux. Centre Orange. Leçon 1. Activité 2. La rentrée. Bonjour, bonjour les amis. Comment ça va? Bonjour, bonjour les amis. C'est la rentrée. Bonjour, bonjour les amis. Comment ça va? Bonjour, bonjour les amis. Vive la rentrée. Êtes-vous content de retrouver vos amis de l'année passée? Comment vas-tu Stéphanie et toi Tony? Vous êtes-vous bien amusés pendant les vacances d'été? Êtes-vous prêts maintenant pour une nouvelle année? Bonjour, bonjour les amis. Comment ça va? Bonjour, bonjour les amis. C'est la rentrée. Bonjour, bonjour les amis. Comment ça va? Bonjour, bonjour les amis. Vive la rentrée. Vive la rentrée. Vive la rentrée. Yeah! Leçon 2. Activité 1. Le clown Berlingot se présente. Bonjour les amis! Je m'appelle Berlingot. Je suis votre nouvelle amie. J'ai un gros nez rouge. J'ai les yeux noirs. J'ai les cheveux frisés. Je porte un pantalon vert. J'ai de grandes espadrilles. Je travaille dans un cirque. Le cirque Colibri. Je suis un clown. Salut les amis! Leçon 2, activité 2. Clown, que fais-tu? Salut Berlingot, où est ton chapiteau? Comment on va s'amuser avec toi toute l'année? Clown, que fais-tu? Je me maquille, je me déguise. Je suis sympathique et très très comique. Je fais sensation en jouant du violon. Je fais des pirouettes et bien d'autres prouesses. Salut Berlingot, où est ton chapiteau? Comment on va s'amuser avec toi toute l'année? Clown, que fais-tu? Je fais des grimaces, je suis acrobate. Je vais très vite sur mon monocycle. Je jongle, je mime, je chante, je dessine. J'ai tous les talents, je suis un clown dans le vent. Salut Berlingot, où est ton chapiteau? Comment on va s'amuser avec toi toute l'année? Leçon 3, activité 1. Berlingot présente sa meilleure amie. Je vous présente mon amie. Elle est magicienne. Qu'elle est drôle, avec son manteau rouge et son chapeau noir. Regardez ses grands yeux verts et ses cheveux blonds et raides. Elle est très gentille. J'aime beaucoup mon ami Clafoutis. C'est ma meilleure amie. Leçon 4. Activité 2. Les amis. Je suis ton ami. Tu es mon ami. Il est mon ami. J'ai beaucoup d'amis. Leçon 5. Activité 1. Ma gymnastique avec Berlingot. quand je vois Berlingot. Ha ha ha, ho ho ho, je vis et je fais tout ce qu'elle dit. Quand je vois Berlingot, ha ha ha, ho ho ho, je vis et je fais comme lui. Je me lève debout, je m'étire le cou, je plie les genoux comme le kangourou. Je me gratte partout et je deviens tout mou. Je fais des bonds comme le kangourou. Quand je vois Berlingot, ha ha ha, ho ho ho, je vis et je fais tout ce qu'il dit. Quand je vois Berlingot, ha ha ha, ho ho ho, je ris et je fais comme lui. Je me lève debout, je m'étire le cou, je plie les genoux comme le kangourou. Je me gratte partout et je deviens tout mou. Je fais des bonds comme le kangourou. Leçon 5, activité 2. Une journée dans la vie de Berlingot. Vous voulez savoir ce que je fais au cours d'une journée? Eh bien, tous les matins, je fais comme vous. Je me lève, je me lave, je me brosse les dents. Mais je fais aussi quelque chose que vous ne faites pas. Vous savez quoi? Je me maquille. Je mets de la crème bleue sur mes paupières. Avec le crayon noir, je dessine mes sourcils. Ensuite, je mets beaucoup de blanc autour de ma bouche. Puis, je mets ma belle perruque sur ma tête. Ah ! Il ne faut pas que j'oublie mes petits cœurs sur mes pommettes et mon gros nez rouge. Maintenant, il faut que je m'habille. Je mets mon pantalon vert, mes bretelles, mon chapeau et mes grandes espadrilles. À 10h, je suis prêt à répéter mon nouveau numéro. À midi, je retrouve mon ami Clafoutis et mes autres amis à la cafétéria. L'après-midi, je visite les enfants dans les écoles. Et à 21h, je donne mon spectacle au cirque. Quelle journée! Leçon 6, activité 2. Les activités de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, je suis encore tout endormi. Il faut que je sorte du lit. Il y a de l'école aujourd'hui. La fin de semaine est finie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mardi, je me sens bien reposé, prêt pour une autre journée. Après l'école, je vais jouer chez mon ami préféré. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi, toute une journée au gymnase, j'aime beaucoup sortir de la classe. Je suis encore tout étourdi de tourner comme une toupie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jeudi, je vais à la bibliothèque pour y faire une recherche. Il y a tellement de livres, je ne sais pas lesquels choisir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, Toute la classe est invitée au spectacle de fin d'été que donne dans l'après-midi Berlingot et Clafoutis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, y'a pas d'école aujourd'hui. Je peux flâner dans mon lit, faire tout ce dont j'ai envie. Une fête, qu'est-ce que t'en dis? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, je continue à m'amuser. J'ai encore toute une journée. Je fais tout sauf étudier. La semaine est déjà passée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Leçon 7, activité 3. Une journaliste interview Berlingot. Bonjour, monsieur Berlingot. Les amis de la classe et moi-même aimerions savoir ce que vous aimez. Je vais vous poser quelques questions. Voici ma première question. Qu'est-ce que vous aimez manger? De la pizza et de la crème glacée. Quel est votre fruit préféré? J'adore les pommes et les bananes. Quel est votre sport préféré? J'aime bien jouer au baseball en été et faire du toboggan en hiver. Est-ce que vous aimez les animaux? Oh oui! J'ai un chat, un gros chat noir et blanc. J'ai aussi un canari tout jaune. Il chante tout le temps. Enfin, j'ai une dernière question. Quelle est votre saison préférée? L'été. Monsieur Berlingot, merci beaucoup pour cette entrevue. À bientôt. À bientôt. Leçon 9, activité 2. Drôle de rencontre. Ce matin, sur mon chemin, j'ai rencontré une guêpe. Elle m'a piqué le bout du nez. Aïe, ça m'a fait mal. Avec mon nez tout enflé, j'ai continué mon chemin et j'ai rencontré un gros chat noir. J'ai eu peur. Mais il n'était pas méchant. Il m'a donné du fromage. J'ai marché. J'ai rencontré une marmotte. Elle m'a amenée dans son trou. J'ai continué mon chemin et j'ai rencontré un écureuil. Il m'a donné des noisettes. Quand j'ai quitté l'écureuil, devine ce que j'ai vu. Une moufette. J'ai eu peur. J'ai couru me cacher derrière un arbre. Et crois-moi, je ne me suis pas approchée d'elle. Leçon 10, activité 2. Qu'as-tu vu ce matin, Berlingot? Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? J'ai vu un chat noir, un gros chat noir. J'ai vu un chat noir qui se déguisait le soir. Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? J'ai vu une moufette, une belle moufette. J'ai vu une moufette qui allait à bicyclette. Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? J'ai vu une guêpe, une petite guêpe. J'ai vu une guêpe qui mangeait des crêpes. Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? J'ai vu une marmotte, une jolie marmotte. J'ai vu une marmotte qui portait des bottes. Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? Ce matin sur le chemin, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu? J'ai vu un écureuil, un bel écureuil. j'ai vu un écureuil qui dansait sur une feuille. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Leçon 11, activité 1. Berlingo rencontre un ovni. Un soir, en revenant du cirque, j'ai vu un ovni près de ma caravane. Je me suis arrêté. Un petit homme vert m'a demandé de le suivre et m'a invité dans un engin bizarre. J'ai vu beaucoup de lumière. J'avais mal aux yeux. Je ne pouvais plus voir. Soudain, je me suis retrouvé par terre. J'ai regardé autour de moi. Plus rien, plus d'ovnis, plus de petits bonhommes verts. Ah, je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Leçon 11, activité 3. La semaine de Berlingo. Quelle vie! Dimanche, je me suis reposé. Lundi, j'ai fait une course à pied. Mardi et mercredi, j'ai répété avec mon ami Clafoutis le spectacle que nous avons donné jeudi. Vendredi et samedi, je n'ai pas travaillé. J'étais si fatigué. Quelle vie! Leçon 15, activité 3. Évaluation de la compréhension de l'oral. Bonjour les amis. J'aimerais savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. D'abord toi, Pedro. J'aime les pommes, mais je n'aime pas les oranges. Et toi, Lucie? Moi, j'aime jouer au hockey et j'adore faire du ski. Peter? Ah, moi, je n'aime pas les chats du tout. Et toi, Paul? Moi, j'aime les chats, mais je n'aime pas les éléphants. Tina? Ah, j'aime beaucoup les éléphants. Et toi, Momota? Moi, ce que j'aime, j'aime patiner et j'aime les chats. Tim. Je n'aime pas patiner, mais j'adore jouer au baseball. Enrichissement écoute. Activité 1. Pino, le petit lapin blanc. Un matin de septembre, un beau petit lapin blanc, qui s'appelle Pino, se promène dans la forêt. Il a deux longues oreilles roses, un petit nez rose et une petite queue blanche. Il court dans les champs, il court partout. Il s'amuse beaucoup avec sa maman. Tout à coup, il s'arrête et crie. « Maman! Maman! J'ai perdu une oreille !» La maman lapin cherche et cherche partout, mais elle ne trouve pas l'oreille de Pino. Elle rencontre un écureuil et lui demande « As-tu vu l'oreille de Pino ?»« Non, » répond l'écureuil. « Je n'ai pas vu l'oreille de Pino. » Pauvre Pino, il est très triste. Il se cache derrière un arbre. Et il pleure. Enrichissement culture. Activité 1. Vue de mon pays. De mon satellite, je vois un immense Canada. Allons voir de plus près si on y parle français. Bonjour les amis des territoires du Nord-Ouest et du Yukon, peuple de notre histoire, je vous dédie ma chanson. Saskatchewan, Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta, comment ça va? Quelle vue panoramique! De mon satellite, je vois un immense Canada. Allons voir de plus près si on y parle français. Allô, les amis de l'Ontario, je vous entends très bien d'en haut. C'est moi, je suis en orbite. En français, je communique. Je suis en plein cœur du français, tout le monde me connaît. Salut les gens du Québec, je vous parle en direct. De mon satellite, je vois un immense Canada. Allons voir de plus près si on y parle français. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, île du Prince-Édouard, l'Acadie, c'est magnifique, je vous dis au revoir. De mon satellite, je vois un immense Canada. D'un bout à l'autre, c'est vrai, on y parle français.